Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Je suis Frère Junior de Douala au Cameroun. D'accord. C'est la première fois que je vous vois. La première fois. Je dis, c'est la première fois que je vous vois. Alors, je suis à ton service, la sœur. Ton témoignage va également aider beaucoup de personnes, comme tu es entré en contact avec des témoignages, n'est-ce pas? Oui. Parlons d'abord du témoignage que tu as suivi. Tu as suivi quel témoignage et qu'est-ce qui t'a poussé à suivre cela? J'ai suivi le témoignage de Mélissa. Oui. J'ai aussi suivi le témoignage de la sœur qui dès le plus jeune âge là, elle a été comment dire dans la perversité et tout ça. J'ai suivi ça, c'est ça qui m'a émue, qui m'a même poussé vraiment à me lancer, voilà. Oui, donc le témoignage sur perversion sexuelle, là, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Donc normalement, tu vas sur Bamba Iba à chaque fois, ou bien comment tu as fait pour tomber là-dessus? Ah, c'est un ami, enfin un ami. Bon, c'est devenu un ami Ouais, c'est compliqué, ouais. qui m'a montré la chaîne. C'est grâce à lui-même que je connais la chaîne YouTube. Et j'ai commencé à suivre. Il m'a conseillé ça. Il m'a dit de suivre les vidéos. J'ai commencé à suivre comme ça. Bon, au début, je regardais bon vite fait comme ça. Et puis j'ai commencé vraiment à suivre régulièrement les vidéos. Et quand tu suivais ça, ça ne t'énervait pas? Non. Quand je suivais ça, au contraire, ça, comment, ça me faisait peur en fait, parce que je comprenais que je ne connaissais rien, vraiment rien par rapport à la Bible, par rapport à Dieu et Jésus, je connaissais vraiment rien. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à suivre les vidéos, que vraiment je connaissais rien. Courage, d'accord. Donc, Merci. vu que le témoignage est certainement, peut-être certaines choses que tu vas dire sont délicates, je te suggère de ne pas donner des noms, d'accord? D'accord. Mais plaise à Dieu si les gens qui vont écouter ce témoignage, ce sont de ta famille et qu'ils parviennent à voir, puisse le Seigneur les ouvrir les yeux. Mais le but, c'est qu'il faut que les gens qui sont dans cette même situation puissent en sortir, parce qu'en réalité, tu as besoin de délivrance. Dieu voulant, on va se rencontrer, d'accord? D'accord. Je suis à ton service. Sois courageuse comme cette jeune fille-là témoignage sur la perversion sexuelle. Oui. Allons-y, raconte ton cas. Bon, ça a commencé bah, comme elle quand j'étais très petite. En fait, quand je suis venue en France, je ne vivais pas directement chez mon père. Parce que je suis venue en France. Mon père était déjà en France depuis quelques temps. Et après, on m'a ramenée. Au début, je ne vivais pas avec lui. Hein. J'ai vécu chez une tante. Donc c'est là que vraiment ça a commencé en fait. Pourquoi, Bon. allons-y doucement, pourquoi en France tu Oui. n'es pas allé chez ton père directement? Bon, je sais pas trop en fait parce que je crois qu'il n'avait pas le moyen parce qu'il vivait en France depuis pas très longtemps. Ok. Donc je crois qu'il n'avait pas les moyens. Bon, il y avait des problèmes, je sais pas pourquoi. Donc j'ai vécu comme ça avec. Au début, j'ai vécu chez une tante, puis encore chez une autre tante, jusqu'à que je vive avec mon père. Là, tu es comment? Tu es d'origine camerounaise, ivoirienne, RDC, Congo, RDC. tu es de la RDC. Oui. Je crois que j'ai pris pratiquement pour ton pays parce que, bon, je ne sais pas le moment de parler de cela. Et déjà, tu quittes ton pays pour la France vers quel âge? 6 ans. 6 ans, donc tu as 6 ans. Et nous sommes dans quelle année là? 2004. 2004. Allons-y, continue, ma soeur. Oui. Donc, je suis arrivée, j'étais chez ma tante, voilà. Je vivais avec mes cousins. Il y avait mon grand cousin qui avait, bon, il devait avoir 14-15 ans. Il était plus grand que moi. Donc, bon, on dormait, je crois qu'on dormait dans la même chambre parce qu'il n'y avait pas assez de chambres pour que j'aie une chambre pour moi. Donc, bon, je me rappelle de ce jour-là vraiment parce que ça m'a marqué. Ce jour-là, il était avec son ami. Et bon, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'ai entendu leur conversation. Ils parlaient de filles. Bon, il parlait de faire des choses avec les filles, j'ai pas très bien. Bon, j'ai pas vraiment bien compris. Et puis tout à coup, bon, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé à avoir un comportement bizarre. Comment dire, c'est comme si je voulais qu'il soit attiré par moi, je sais pas trop. Donc j'ai commencé à me dandiner, on va dire. Je marchais comme si. Je sais pas, c'était bizarre. Et jusqu'à que. Je crois que. Ça l'a même excité, je crois. Parce que il a voulu. Abuser de moi, voilà. Là, tu as quel âge Et. encore? Là, dans cette scène-là, tu as quel âge? J'ai 6 ans. Donc, c'est dès ta venue là-bas. Et Voilà. lui, ton cousin, là, lui, il a quel âge? Il a 14-15 ans. 14-15 ans. Donc, au moins, il allait Oui. atteindre l'âge de la puberté. Voilà, c'est ça. Et là, lorsque tu sens ces choses-là, tu prends le contrôle de ton corps, tu commences à te trousser, est-ce que tu sens les désirs? Est-ce que, initialement, dans ton bas âge, tu as eu le background des choses d'ordre sexuel? Je pense oui, parce que pour avoir ce comportement-là, c'est que oui. Mais bon, je me souviens pas trop en fait. Je pense oui. Et comment ça s'est passé? Bon, ensuite, bon, c'est un peu dur à expliquer, mais ensuite il a voulu, il est venu en fait, il m'a attrapé, il m'a comment dire, parce que je me suis retrouvée par terre en fait. Donc voilà, je me suis retrouvée par terre, sur le sol allongée. Il voulait m'empêcher de bouger, voilà, c'est ça, pour ensuite voilà, abuser de moi. Mais il y a son ami qui lui a dit d'arrêter, parce que je crois qu'il avait pitié de moi. Il lui a dit d'arrêter, moi j'avais très peur, même je crois que je commençais à pleurer. Donc il lui a dit d'arrêter, et c'est comme ça qu'il a arrêté. Donc dans ce scénario-là, tu ne savais pas ce qui t'est arrivé. Non, Mais je sais pas, c'est venu comme ça en fait. oui. Et là, avec le recul, tu penses que c'était quoi? Avec le recul, vraiment, je ne sais pas, parce que je me dis que à 6 ans, avoir ce genre de désir là, c'est pas normal. Avec le recul, je sais que c'est pas normal, mais je sais pas d'où ça vient. Vraiment, je ne sais pas. Ayant écouté le témoignage de cette sœur-là, elle avait commencé sa part à la cible. Quand tu as écouté, ça t'a fait quoi? Le fait que quelqu'un de la cible fait les clins d'œil à une autre personne de la cible et il se retrouve quelque part, baissant la culotte, n'ayant pas vu les choses à la télévision. Tu penses que comment t'expliquer ça, ma chère, avant de revenir sur ton cas? Vraiment, je ne sais pas. Je me dis que peut-être la personne a été peut-être possédée. Je sais pas, il y avait un esprit, bon, maléfique peut-être, qui est venu posséder le corps de cette personne, parce que à cet âge-là, c'est pas normal. Normalement, à cet âge-là, on ne pense pas à ce genre de choses. Oui, et là Voilà. pour ton cas, tu es dans la maison, vous dormez ensemble jusqu'à ce qu'on commence à parler des choses qui concernent la sexualité et que ton corps Oui. soit pris en assaut par cet esprit-là. Oui, et là maintenant son ami va venir à ton secours, il va te lâcher. Quelle est la situation? Comment vous regardez à la maison entre toi et lui? Je commençais à avoir peur de lui. Après ce qui s'était passé, je ne le regardais plus de la même façon. J'avais très peur de lui. Un jour, il m'avait fait même une blague, parce que faut savoir qu'il a les yeux bleus en fait. C'est très rare, mais il a les yeux bleus. Alors, je m'avais fait une blague, il avait éteint la lumière. Et quand je me suis retournée, j'ai vu des yeux bleus, j'ai commencé à avoir peur. Donc, bon, à partir de ce moment-là, de cet épisode-là, j'avais peur de lui. Voilà. C'était, bon, j'évitais vraiment comment dire, de m'approcher de lui. Voilà, c'est ça. Et là, vous avez continué à dormir dans la même chambre vu que tu n'avais pas ta chambre à toi. Oui, je crois, oui. Donc ça, c'est le premier contact des tentatives de viol venant suite des conversations que tu as entendues et puis quelque chose t'a saisi. Ça, c'est Oui, le voilà, premier c'est contact. ça. Oui, avançons. Et la suivante. Bon, ensuite, je suis pas restée longtemps chez ma tante. Je suis allée chez une autre tante. Elle avait deux fils et une fille qui avait, bon, pareil que mon cousin, 14-15 ans. Elle était déjà dans l'adolescence, voilà. Là, tu étais déjà là 6 ans, non? Moi, j'avais, bon, je devais avoir 7 ans, 7-8 ans. Okay. 7-8 ans. Okay. Et là, ton corps n'était pas développé comme les filles qui ont le corps développé rapidement? Non. Ok. Non, j'étais encore une petite fille, bon, j'étais pas. Non. Donc, je crois que vers 7-8 ans, je suis restée quand même chez ma tante. Bon, je suis restée un peu longtemps quand même, parce que je suis partie à l'âge de 9 ans. 9 ans, je crois. Donc, quand je suis restée là-bas, je dormais dans la chambre de ma cousine. Voilà. Dans la chambre de ma cousine. Et, bon. Je ne sais pas comment ça a commencé, moi-même je ne m'en souviens pas, mais je sais qu'elle a commencé à demander de faire certaines choses. Voilà. Excusez-moi. Courage, je sais que ce n'est pas facile de ces choses-là, d'accord? Mais le but, il faut dénoncer les œuvres du ténèbre parce que plusieurs personnes en souffrent. Il y a même des gens qui vont nous écouter et qui. Sont dans ces mêmes situations, mais n'ont jamais parlé. Mais chaque fois, le Seigneur les met cela à l'esprit pour qu'ils parlent, mais ils ne savent pas à qui s'adresser ni comment faire. Ça permet la libération et de dénoncer les œuvres qui se passent dans nos maisons, d'accord? Quand tu dis que ta cousine a commencé à te pousser à faire certaines choses, qu'est-ce que tu veux par là dire? Elle te demande de préparer le riz, c'est du riz? Ah, bah, elle voulait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais elle voulait. Bon, je ne sais pas quand est-ce que c'est venu. Mais elle a commencé à vouloir que qu'on fasse des choses ensemble, voilà. Enfin, quand je dis choses, c'est des choses sexuelles, voilà. Oui, là tu as 9 ans. Elle a quel âge? Elle doit avoir... Elle est déjà dans l'adolescence, donc 14 ans, 15 ans. Oui, 15 ans. Est-ce que dans sa relation, elle connaît les hommes déjà? Je crois oui, hein, parce que bon, des fois, j'écoute un peu... Vu qu'on dormait dans la même chambre, des fois j'écoutais la conversation qu'elle avait avec sa meilleure amie, sa copine. Elle parlait de ça des fois. Bon, après je savais pas trop parce qu'elle me disait pas aussi ces choses-là vu qu'on n'avait pas le même âge. Donc je sais pas trop. Je pense. Et à la maison, la maman, la tante dans laquelle les différentes maisons dans lesquelles tu passes, est-ce que les gens vont à l'église comme on dit? Bon, en fait, ici, bon, je sais pas si c'est le cas de tous les pays européens. Je sais qu'ici, quand on va à l'église, on peut trouver plusieurs sortes d'églises. Bon, je sais plus si on allait vraiment à l'église. Je ne crois pas. Hein. Je m'en souviens pas en tout cas. Mais en tout cas, si on allait à l'église, c'était bon. C'était des églises où généralement. Bon, avant, je savais pas qu'on devait faire ça, mais par exemple, on ne se couvrait pas les femmes ne se couvraient pas la tête, par exemple. Ou, bon, quand on priait, c'était vraiment, des fois même, c'était des femmes pasteurs qui prêchaient, ou, bon, c'était des églises comme ça, quoi. Oui. Et au moins, à la maison, est-ce que vous avez des entretiens bibliques à ton souvenir? Non. Il n'y avait pas ces choses là-bas. Pas du tout. Mais je me souviens que ma mère, elle m'avait, vu que ma mère elle prie beaucoup, elle m'avait donné des livres pour mon âge, pour comprendre un peu la Bible et prier. Elle me disait de beaucoup prier et tout. Bon, des fois je priais, des fois je priais pas. Je lisais ces livres, mais bon, des fois aussi je comprenais pas en fait. Mais ça s'arrêtait là. Voilà. Oui. Maintenant, par rapport aux relations entre les parents et les enfants, vu que vous étiez d'être, vous aviez déjà presque le développement de l'âge sexuellement actif, est-ce que à la maison on vous parlait de ces choses ou est-ce que vous en parliez ou bien chacun était, les parents étaient occupés à leurs occupations? Non, pas du tout. Tout ce que bon, mon oncle, ce qui faisait, il nous faisait faire des devoirs, surtout moi parce que j'avais des difficultés en mathématiques. Mais ça s'arrêtait là. Après, ils étaient occupés, ils allaient au travail. Donc, ils n'avaient pas vraiment le temps de nous parler de ça. Ok. Maintenant, l'une de ces nuits-là, donc, ta cousine te demande de faire des choses. Comme tu as dit, des choses avec toi. Mmh. Comment ça se passe? Allons-y. Oui. Je me souviens Pas trop, mais je sais que... Bon, je sais pas comment expliquer ça, mais pendant un certain temps, bah, j'ai accepté, c'est ce qu'on a fait. Et... Bon, bah, à ce moment-là, j'étais petite, donc je sais pas, moi-même, quand j'y réfléchis, je sais pas vraiment pourquoi on a fait ça, pourquoi elle m'a demandé ça. Bon, pendant longtemps, je me suis voulu par rapport à ça. Hein, je me disais vraiment ce que j'avais fait, c'était vraiment. Oui, mais Vraiment abominable. vous avez fait ça combien de fois? Je sais pas, vraiment je sais pas, mais je sais que ça a duré quand même un certain temps. Donc c'était répétitif alors. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et maintenant, franchement, écoute-moi doucement. Lorsque vous finissez, ça se passe comment? Uniquement dans la nuit, dans la chambre, dans votre chambre, ou bien comment? Ou bien à tout moment? La nuit, Généralement, la dans chambre, la chambre. avant que vous dormiez. Oui. Ok, et maintenant le matin en pleine journée, lorsque vous rencontrez à la maison, comment vous vous regardez? Vous vous regardiez? Bah, on faisait comme si de rien n'était, voilà, Vous c'est avez ça. vous aviez votre petit secret entre vous deux. Oui, voilà, c'est ça. Et l'autre nuit encore, vous recommencez. Oui. Dans ton corps, alors que tu le fais, tu as 9 ans, au moins elle a le désir sexuel. Toi, tu ressentais quoi au juste? Bon, moi, bon, je dirais que ça m'a plu, mais bon, après, je connaissais pas trop ces choses-là, donc je sais pas trop. Hein. Mais bon, je crois que oui, ça m'a plu, mais Oui, et là, à cet âge-là, quand tu finissais l'acte, est-ce que quelque chose te témoignait en toi que c'est pas bon? ce que je ne sais pas, non. Mais je pense que je savais au fond de moi que c'était pas normal parce que je sais pas, en fait, des fois même. Je me peux, enfin, il y a quelque chose qui me disait que c'était pas normal. Je le savais parce que jusqu'à quand j'ai grandi encore, quand ça m'est revenu en tête, voilà, je me sentais coupable. Et j'ai gardé cette culpabilité jusqu'à maintenant encore. Restons avant qu'on aille à ton âge mature où tu as commencé du côté des garçons là. Lorsque cette cousine-là faisait cela, est-ce qu'elle vivait en parallèle avec les garçons? Est-ce qu'elle avait les copains garçons avec qui elle pratiquait ces mêmes choses là? Je ne sais pas parce que elle me parlait pas de ça. Elle parlait seulement à son amie, mais je sais pas. Peut-être, mais je sais pas. Ok. Avançons, continuons, ma soeur, continuons. Bon, je suis restée quelques années là-bas. Ensuite, bon, ensuite, ma mère est venue en France. Donc, je crois, à l'âge de 9 ans, je suis allée vivre avec ma mère et mon père. On était dans un foyer. On est parti vivre là-bas. Et bon, à cette époque-là, bon, ça m'a encore suivi. Parce que un jour, je sais pas pourquoi, hein, mais je cherchais quelque chose dans les affaires de mon père. Et j'ai trouvé un DVD. C'était. Bon, quand j'ai regardé dans le DVD, j'ai vu. C'était un film interdit au moins de 18 ans, un film pornographique. Voilà. Là, Et bon. allons-y doucement. Là, ton père vit. Oui. Est-ce que ton père vit séparément avec sa mère? Non. Ils sont ensemble dans la même maison. Oui. Et ton papa a un film pornographique dans ses affaires à lui. Oui. Tu faisais quoi dans les affaires de ton père pour trouver cela? Je ne sais pas en fait, je crois, je sais pas si je cherchais quelque chose et je suis tombée parce que je sais que c'était dans son sac et le sac était dans un placard où il y avait d'autres affaires. Donc je sais pas si je cherchais quelque chose, je suis tombée dessus ou bon, je me rappelle plus trop, mais je sais que j'ai regardé dans son sac, j'ai trouvé ça. Et là, quand tu as vu ce que tu cherchais dans le sac, tu as laissé, maintenant tu t'es concentré sur ceci. Là, tu as quel âge? J'ai 9 ans. 9 ans toujours. 9 ans, oui. 9 ans, 10 ans. Oui. Bon, Qu'as-tu fait cela? Et là, il n'y avait personne à la maison ou quoi? Bon, justement, à ce moment-là, ma mère m'a surprise, en fait. Ok, Elle raconte-moi. est venue, elle a pris ce que j'avais pris. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, bon, je sais qu'à ce moment-là, elle était très en colère. Elle m'a dit, donc c'est ça que tu regardes. Après, elle m'a dit, tel père, telle fille. Attends, à quel moment t'as vu? Ta maman t'a vu en train de regarder ça dans la vidéo? Elle est rentrée, parce qu'elle est rentrée dans la chambre. Oui. Attends, elle est rentrée dans la chambre. La vidéo entre les mains. Elle, quoi, voilà. Entre tes mains en train de regarder. Oui. Elle est, bon, quand elle est rentrée dans la chambre, elle a vu que, bon, déjà, j'avais, bon, c'est comme, quand on surprend quelqu'un, vous savez, la personne essaie de cacher, j'étais comme ça. Après, elle est venue vers moi, elle a pris ce que j'essaie de cacher, et après, elle m'a dit, bon, elle était en colère, elle m'a dit, ah, donc, c'est ça que tu regardes, après, elle m'a dit, tel père, telle fille. Oui. Donc, elle savait que son mari regardait les films pornographiques. Je crois, parce que si elle m'a dit ça, c'est qu'elle elle le savait. Mmh. Oui, et quelle est l'implication de ce que tu as vu là-dedans au sein de ton père depuis ce moment-là? Depuis ce moment-là, bon, ça a été une période très difficile parce que j'ai commencé à regarder en fait. Comme mes parents n'étaient pas là, je mettais le DVD et je regardais. Tu prenais cela où? Dans les affaires de mon père. Donc, tu, comme tu savais que ton père avait les DVD, désormais, tu partais chercher. Oui, voilà. Jusqu'à ce que tu aies trouvé, ma chère. Comment? Et donc, tu cherchais jusqu'à ce que tu aies retrouvé, et puis tu étais satisfait. Voilà, vu que je savais où c'était caché, où il avait caché ça, parce qu'il avait changé de cachette. Il avait caché. Donc, je suis partie reprendre ça et je mettais. Je regardais ça quand il n'était pas là. Quand tu regardais ces vidéos pornographiques constamment, quelle était ta pensée? Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce qui t'arrivait? J'avais vraiment des pensées, bon, désordonnées en fait. C'était, bon, ça avait vraiment un mauvais effet sur moi. Parce que je commençais à avoir des pensées. Bon, déjà à cet âge-là, je commençais déjà à avoir le désir, tout ça. Donc, bon, c'était vraiment. Enfin, catastrophique parce que j'arrivais pas en fait à m'arrêter. Donc, quand je regardais ça, il fallait que je regarde encore et encore et encore. Voilà. Et le corps, ton corps physiquement avait été déjà, était déjà développé. Le corps oui. Continuons, ma chère. Donc, bon, voilà, je regardais ça. Bon, quand mes parents n'étaient pas là. Il y a eu, ça c'était quand j'étais, voilà, bon, je commençais à être dans la période de l'adolescence. Ensuite, quand on a déménagé, on est parti dans une autre ville. On est parti dans une autre ville et ça m'a encore poursuivi parce que bon, cette fois-ci, au lieu de regarder les DVD, je regardais ça sur Internet parce qu'on n'avait pas un ordinateur, donc je regardais ça sur Internet. Comment tu savais que ça se jouait sur Internet, ma chère, à cet âge-là? Bon, je ne sais pas trop, hein, mais je crois qu'un jour, j'ai essayé de voir s'il y avait ça. Et puis, bon, je suis tombée sur ça et encore une fois, j'ai continué à regarder. Et là, personne à la maison ne savait. Déjà, vous êtes nombre de combien à votre papa et à ton papa et à ta maman? Il y avait, bon, quand j'avais 9 ans, 10 ans, ma mère, elle avait accouché. Il y avait ma petite sœur, qui était encore un bébé, et il y avait moi et mes deux parents, voilà. Mmh. Donc, tu étais la plus grande alors? Oui. Qui avait le bon exemple ayant reçu cela de son père? Oui, ouais. Dans l'intervalle des pornographies à la maison, quel conseil peux-tu donner aux parents qui vont nous écouter maintenant vis-à-vis de cela? Je conseille aux parents, bon, malheureusement, moi, j'ai pas eu cette éducation-là de vraiment essayer de parler avec les enfants, parce que c'est très important, parce que mes parents, on parlait pas vraiment, en fait. Bon, avec mon père, j'avais une relation un peu compliquée, parce que, bon, pas dit tout à l'heure, mais mon père, avant que ma mère vienne, il entretenait des relations avec d'autres femmes. D'ailleurs, il avait eu des enfants avec une autre femme. Ta mère, voilà. Oui, elle l'a su après. Et après, ça a fait des conflits et tout. Mais elle l'a su après. Donc, bon, je conseille aux parents d'essayer vraiment de parler avec les enfants, de parler aussi de la Bible, de vraiment qu'est-ce que c'est Dieu, d'essayer de faire comprendre ça aux enfants, parce que d'avoir une éducation biblique, voilà. Parce que sinon, après, bon, quand ils grandissent, ça devient difficile. Comme là, maintenant, ça devient difficile pour moi d'avoir une relation vraiment de père-fille avec mon père. Même si, bon, maintenant, je ne lui en veux plus pour certaines choses, mais c'est difficile, voilà. Donc, ma soeur, on va continuer. Donc, on remarque que dès l'enfance, tu as eu une chose qui t'a enveloppé, ça t'a poussé à commencer à commettre des actes Il faut que tu n'es pas. dire ça tabou de parler. Il faut, je pense qu'il faut en parler dès pour éviter certaines choses. Voilà. Allô? Allô ma chérie, je suis avec toi, la connexion n'est pas stable, je crois que ça va se Oui. stabiliser, tu m'entends maintenant? Ah, d'accord. Voilà, c'est bon, je crois que ça s'est stabilisé. Donc, mais tu étais occupé. Oui, là, c'est bon. Ouais. Donc je disais donc que, avec ton conseil, nous voyons dans ton cas que dès l'enfance, tu as eu un esprit qui t'a enveloppé, qui a commencé à développer dans ta vie, en te poussant dans la perversion sexuelle, n'est-ce pas? Et voilà. Et là, lorsqu'on retrouve dans le cadre familial, on voit effectivement que c'est encore plutôt l'avantage, tu retrouves cela sur Internet et même tes parents ont, le côté de ton père a accentué cela pour pouvoir développer. Donc tu as grandi dans une atmosphère qui était propice à ce que cette perversité se développe. Voilà. Maintenant, nous touchons à l'âge de l'adolescence. Où est-ce que ça t'a conduit cette perversion? Ça m'a conduit à bon, à être vraiment, comment dire, perturbée. Voilà, j'étais perturbée parce que j'avais que ça en tête. Vu que je regardais ça souvent quand j'étais seule, j'avais que ça en tête. Ça, bon, ça perturbait pas mes résultats en cours parce que j'étais quand même une élève sérieuse, mais en dehors de ça, ça me perturbait beaucoup. Et en plus, je me sentais pas bien vis-à-vis de ça parce que je me disais. Moi, j'ai commencé à devenir paranoïaque. Je me disais même que peut-être que mes parents savent que je regarde ça ou que comment les gens vont, enfin, mes amis vont réagir s'ils savent que je regarde ça. J'étais pas bien. Et je me sentais aussi coupable. Et à l'école, c'était comment? Tes amis n'en parlaient pas, tu n'as pas des copines et des amis qui en parlaient? Non. Donc tu étais seul dans ton monde. À l'école, bon, quand j'étais en sixième, parce que en sixième, je me parlais encore ça. Non, on ne parlait pas de ça. On parlait, bon, vite fait, on parlait des coups, vite fait des garçons, bon, peut-être pas vraiment, mais on ne parlait pas de ça. Vraiment, on ne parlait pas de ça. Mais tout ce que tu en as aimé dire là maintenant, tu n'as jamais dit cela à quelqu'un. Non, enfin, j'avais parlé de ça à un ami, voilà. Mais je n'avais pas vraiment raconté en détail. J'ai dit vraiment ce que je voulais lui dire. Parce que c'est lui-même qui a insisté. Parce qu'il voyait que il y avait des périodes où j'étais pas bien. Il voulait comprendre, il Où voulait j'étais comprendre. vraiment pas bien. En fait, j'avais, comment dire, j'avais pas une bonne estime de moi. Je me sentais sale. Je me sentais pas bien. Pour moi, j'étais une créature vraiment. Enfin, j'étais quelque chose qu'il fallait vraiment rejeter, je me sentais pas bien. Et Et il voulut. dans ce moment-là, est-ce que il t'est arrivé de penser au suicide? Il m'est arrivé de penser à ça plusieurs fois, surtout quand j'étais en quatrième. Voilà, ça c'était vraiment la période de ma vie où j'y ai pensé, mais j'ai même essayé. Parce qu'en quatrième, bon, il y avait eu des histoires, il y avait des rumeurs qui circulaient sur moi qui étaient fausses. Qui était faux des rumeurs vraiment bon, qui disait que j'étais une fille facile, que bon, j'avais déjà fait des choses avec des cartons alors que c'était faux. Donc ces Donc, malgré la rumeurs-là. perversité depuis l'âge de 9 ans jusqu'en classe de 4e, tu n'as pas encore couché avec un garçon. Non. Oui, et là, mais tu es sexuellement active sans être passé à l'acte. Voilà, c'est ça. Et comment le développement a pu faire jusqu'en 4e, jusqu'on sache que tu es facile? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon. Mon problème aussi, c'est que à cette période-là aussi, je sais pas pourquoi, je voulais absolument plaire aux garçons. Vraiment, je voulais plaire au garçon, donc je suis occupée. Ouais, je prends ma serviette. Ta serviette est là-bas, elle est pas ici. Elle est où? Elle est sur le sèche-linge. Donc ferme la porte, s'il te plaît. Oh. Oui, excusez-moi. Non, on ne peut pas fermer à clé la porte. Okay, y a pas de problème. Et je ne sais pas pourquoi. Donc là, voilà. En quatrième, tu étais dans une allumeuse. Voilà. Donc, on va, pas vraiment parce que je... Comment dire? En fait, ça ne se manifestait pas vraiment. C'est juste que je voulais plaire absolument aux garçons, surtout aux garçons qui étaient, on va dire, populaires. Voilà. Je sais qu'en quatrième, l'histoire là a commencé un peu à cause de moi parce que c'était un garçon qui était en couple et bon, qui m'a fait des avances et donc je savais un peu quand même qu'il était pas, qu'il était en couple, mais on va dire que je suis rentrée dans son jeu, voilà, c'est ça. Et c'est à partir de là que les rumeurs ont commencé. Oui, donc c'était un garçon qui sortait déjà avec une autre fille. Voilà. Et il t'a fait la peau, tu as voulu accepter pour faire le jeu. Oui, voilà. Et là, on a dit une voleuse des garçons comme ça. Bon, pas vraiment parce que j'ai pas accepté. Hein. C'est juste que je suis rentrée dans le jeu et puis voilà. Et comment donc la pensée des suicides t'est venue à plusieurs fois? Et pourquoi? Ça m'est venu parce que ces rumeurs me causaient vraiment problème. C'est arrivé, cette histoire est arrivée jusque dans les oreilles de mes parents. De ma mère et ça arrivait au point où on voulait me frapper ou il y a beaucoup de gens qui m'aimaient pas, voilà, et je me suis retrouvée seule, c'est à dire que mes amis ne me parlaient plus, voilà, donc ça m'a vraiment posé des problèmes parce qu'on est parti inventer encore d'autres rumeurs hein, sur moi et on a dit que j'avais critiqué mes amis alors que c'était faux. À partir de cette histoire là on a créé des histoires comme ça juste pour que j'ai des problèmes. Alors ma chère, et là oui. Tu veux me permettre de rester sur ton banc de l'école maintenant, tu permets? Oui, je vais me tourner vers toi pour te fixer sur ton banc et te poser une question. Oui. Pendant qu'un cours particulier en train de passer sur les menstrues et la reproduction sexuelle, je veux que tu me racontes exactement ce qui s'est passé en toi et lorsque tu rentres. En quatrième, on avait eu, je crois, une intervention. Je sais plus si c'était en quatrième ou en troisième, mais je sais que c'était vers la fin du collège où une infirmière est venue nous expliquer comment ça se passe, il faut se protéger, tout ça. Et bon, quand on a eu ça, bon, je commençais à avoir déjà des pensées en fait. Je voulais absolument, je sais pas pourquoi, je voulais absolument avoir un copain pour pouvoir expérimenter ça, voilà. Qu'est-ce que cette dame l'a expliqué au juste? Elle avait quel objet entre les mains? Elle a expliqué comment il faut se protéger avec les préservatifs, comment il faut mettre ça. Les séances tenant, elle avait quoi entre les mains? Elle avait un préservatif. Parce qu'elle nous a montré. Après, elle nous a expliqué comment mettre, mais je crois que c'était tout. Après, elle nous a parlé de différentes façons. Elle a dit que ce soit par voie orale ou pas, il faut se protéger. Bon, elle est rentrée, et voilà, mais c'est tout. Je crois que c'est tout ce qu'elle avait. Hein. Bon, je me souviens plus trop, mais je crois que oui, c'était tout. Et là, cette séance-là, où est-ce que ça t'a conduit? Parle par rapport à ton comportement vis-à-vis de cette séance-là. Oui. Ça m'a, bon, déjà j'étais dans cet état d'esprit de vouloir avoir un copain, de vouloir faire certaines choses, donc bon, je crois que ça a pas amplifié, mais ça m'a donné vraiment envie de voilà, d'expérimenter. Où est-ce que ça t'a conduit au final? Bah, au final, bon, je me plaignais beaucoup parce que je n'avais personne en fait, je rencontrais personne jusqu'à l'âge de 17 ans. Bon, il n'y a pas longtemps, hein, que c'est à l'âge de 17 ans que là j'ai vraiment que j'ai eu un copain. Mais sinon, avant ça ne s'était pas fait, ou sinon c'était vraiment des petites, on va dire des amourettes de petits, mais c'était pas allé au point vraiment où je franchissais le cap, non. Et là, tu es en quatrième, et chaque fois, dans ces moments-là, est-ce que tu continues toujours à vivre avec la pornographie sur Internet et ainsi de suite? Là, non. Là, non, parce que... j'avais plus pensé à ça. Et j'avais pensé juste à me suicider, voilà, parce que je n'en pouvais plus. Je me plaignais souvent chez... comment on appelle ça? Bon, la directrice, voilà. Et je n'en pouvais plus parce que cette histoire vraiment m'empêchait. Ça a affecté mes résultats scolaires. Tellement ça m'empêchait vraiment de vivre correctement. Donc, un jour, je ne suis pas allée en cours, j'ai pris des médicaments et puis voilà. Et par la grâce de Dieu, on t'a sauvé. Oui, ça m'a même étonnée parce que quand j'ai pris beaucoup de médicaments. C'est comme si j'ai dormi parce que c'était tout noir en fait. Je ne sais pas. Ma mère, elle m'a raconté plus tard qu'elle avait essayé de me réveiller, mais je ne me réveillais pas. Je ne me réveillais pas jusqu'à. C'est vers le soir que je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'étais. Bon, tout était flou en fait. C'est comme si j'étais droguée, je ne sais pas. Tout était flou. Quand elle me parlait, j'entendais pas trop. Et après, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi et elle m'a mis à l'écart. On était dans la salle de bain. Elle m'a demandé pourquoi, qu'est-ce que j'avais voulu faire en faisant ça. Après, je lui ai dit que je voulais me suicider. Et après, elle m'avait giflé parce que c'était très grave. Donc, voilà. Elle t'a réveillé, puis après, elle t'a giflé. Oui, voilà, elle m'a chipé, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, elle était vraiment en colère. Oui, mais après cette tentative-là, y a-t-il eu des pensées pour te susciter par la suite encore? Non, après ça, non. Déjà, bon, je trouve que j'ai eu de la. Bon, comment dire? Avant de prendre les médicaments, je voulais. Parce qu'on habitait au 10e étage. Oui. Donc, je voulais. Comment dire, sauter par le 10e étage. Mais bon, vu que j'étais pas assez courageuse, j'ai essayé le 6e, je suis descendue au 6e étage. Bon, après, il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et bon, après, je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Et après, c'est pour ça que je suis remontée chez moi pour prendre les médicaments. Tu as dit que ce doute-là est trop douloureux. Ça risque de me faire trop. Oui, voilà, je me suis dit, non. Il faut que je prenne ce médicament. Doucement, ça va aller doucement. Voilà, c'est ça. Je voulais mourir oui. Sans douleur, donc bon, j'ai pris la solution de la facilité. Voilà. Voilà. Et je vais donc, avant qu'on arrive à l'âge des 17 ans où tu vas connaître effectivement l'homme et commencer à avoir les expériences sexuelles qui vont te conduire à être accro au sexe, n'est-ce pas? Parce que tu es une accro au sexe. On peut te casser ainsi, pas vrai? Bon, on peut dire ça, mais. Ouais. Alors maintenant, restons sur. J'ai parlé tout à l'heure de. Quand ça s'est sur le banc, on parle de la reproduction. On vous a enseigné la reproduction sexuelle, le cours sur la reproduction sexuelle avec les règles et autres là-bas. Je veux comment le cours s'est passé avec toi et quelle était ton attitude vis-à-vis de ce cours? Bon, c'était en troisième, voilà. En troisième où l'infirmière est venue. Elle est venue nous parler de ça. Bon, on était tous assis. Ça se faisait par classe. Donc chaque classe avait. Une heure comme ça où on parlait de ça et tout. Donc moi j'écoutais même attentivement tout ce qu'elle disait, tout je retenais. Bon, je sais plus, des fois même il y a des gens qui posaient des questions. Bon, moi j'écoutais seulement en fait. Et dans ma tête déjà je me faisais des idées. Bon, et puis à ce moment-là aussi, en troisième j'avais des amis, enfin deux amis, une amie qui avait déjà un copain qui avait déjà fait ça, donc en fait c'est ça aussi qui m'a incité à vouloir absolument. Elle m'avait raconté comment ça s'était passé, donc ça me donnait aussi envie. Voilà. Avançons maintenant, l'âge de 17 ans, nous sommes en plein maintenant dans la mise en pratique de tout ce qu'on a appris depuis 9 ans. Oui. Allons-y ma chère. Ah oui, je voudrais dire aussi quelque chose avant. C'est que avant 17 ans, je voulais. J'ai eu, pendant je crois pratiquement toute. À peu près toute ma vie, où j'étais perdue en fait. J'étais perdue parce que je connaissais pas trop ma religion. Bon, ma mère me disait de prier et tout, mais je savais pas trop en fait ce que c'était. Bon, des fois je me rappelle quand j'étais petite, je faisais des prières même bêtes. Donc je priais pour des choses bêtes, quoi. Par exemple, je sais quand j'étais petite, j'étais amoureuse d'un garçon, je demandais à Dieu de faire que ce garçon m'aime. Donc c'était vraiment bon. En fait, on va dire que je prenais ça à la rigolade. C'était pas sérieux. Voilà. Donc je savais pas trop ce que c'était prier. Et donc j'étais perdue. Je cherchais dans la religion catholique peut-être quelque chose qui va me, comment dire, qui va m'apporter enfin, une religion dans laquelle je puisse m'épanouir, voilà, parce que j'étais perdue, j'étais malheureuse et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai cherché ça dans la religion catholique. Je me suis dit, peut-être je veux devenir catholique, ou j'ai aussi cherché ça dans la religion musulmane, parce que je voulais me convertir. Et j'en avais parlé à des amis, des amis qui étaient musulmanes, hein, enfin qui sont musulmanes, qui m'ont dit, elles m'ont dit de bien réfléchir, parce que c'est pas un choix qu'on peut faire comme ça du jour au lendemain. Faut réfléchir, faut être sûr, vraiment sûr de soi. Donc bon, je suivais aussi des vidéos qui parlaient de ça, de l'islam. Bon, ça m'a attirée. J'avais commencé même au début, j'avais commencé à lire la Bible, mais je sais pas, je comprenais pas, ça m'avait ennuyée. Donc j'ai refermé. Après, j'ai commencé à lire le Coran sur mon téléphone. Et bon, vu que je savais, bon, j'étais perdue aussi. Je disais, j'avais fait une prière où je disais à Dieu, est-ce que c'est, enfin, comment dire, est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Est-ce que c'est ce que je m'apprête à faire, c'est vraiment bien, ou est-ce que c'est le bon chemin que je prends vraiment? J'ai demandé, j'ai prié, j'ai demandé ça à Dieu. Oui, mais Et je crois, attends, oui. qu'est-ce qui te fait croire donc que Dieu existe en ce moment-là? Tu n'as pas de base. Qu'est-ce qui te pousse derrière vers la prière, de chercher vers la prière déjà? C'est les gens en fait, parce que je voyais, bon, je lisais aussi beaucoup d'histoires où c'était des filles qui parlaient de Dieu, qui parlaient de, c'était des filles qui étaient musulmanes, hein, qui parlaient de Dieu vraiment comme quelqu'un, bon, de qui les apaisait, qui était miséricordieux. Donc ça m'avait attiré en fait. Et bon, avant je croyais en Dieu seulement comme ça. Comme ça, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Même à ce moment-là où je voulais me convertir, je ne savais pas vraiment qui était Dieu, vraiment qu'est-ce qu'il représentait. Voilà. Donc je cherchais ça en fait. Et je savais qu'il me manquait quelque chose. Je savais qu'il manquait quelque chose, c'était à ce niveau-là. Parce que ça me rendait souvent triste et j'étais malheureuse à cause de ça. Parce que je. Oui, Oui? vas-y, oui. J'ai dit parce que je cherchais Dieu, mais bon, c'est comme si j'avais pas de réponse, je savais pas trop comment faire, ou voilà. Et pendant ce moment-là, durant ce moment de tristesse, est-ce que les pensées de cette perversion sexuelle t'es revenu à l'esprit? Non. Il y a eu un moment où c'est comme si on avait nettoyé mon cerveau en fait, c'est comme si j'avais oublié. Tout ça, vraiment, c'était bon, j'avais mis ça de côté et non. Il y a eu seulement un moment où j'avais fait la rencontre d'une fille qui était, comment dire, elle était bisexuelle. Et c'est seulement à ce moment-là que ça m'est revenu en tête. Mais après, il y a eu encore un moment où ça a été effacé, comme si ça a été effacé en fait. Et celle-là, Ça a été tu effacé. as fait sa rencontre à quelle classe? J'étais, bon là, j'étais passée en seconde, au lycée déjà, Donc, voilà. au lycée, elle est comme ça, là, dans la même classe que toi. Non, on n'était pas dans la même classe, mais on avait des amis en commun, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. On avait des amis en commun et on a commencé à parler comme ça. Et qu'est-ce que vous êtes passé à l'acte avec elle ou est-ce que vous êtes attiré? Non, non, en fait c'est pas du tout, non. C'était, moi je la considère seulement une amie, comme une amie. Je m'étais un peu confiée à elle. Bon, un jour elle m'avait dit qu'elle avait rêvé, de moi. Je n'avais pas trop compris ça, mais c'était Elle un arrive peu comment? bizarre. Elle veut vous marier? Non, non, qu'on faisait des choses là, donc Et Mais moi, je trouvais ça bizarre. Et ça t'a pas attiré plutôt? Non. Elle voulait te flatter alors? Je sais pas ce qu'elle voulait, mais bon, après, j'ai pas apporté trop d'importance à ça. Après, on avait arrêté de parler. Bon, après, elle me disait des choses bizarres. Elle me disait qu'elle était bouddhiste. Elle me disait même d'accepter ça. Elle me disait, oui, tu es comme moi, il faut accepter ça, il faut dire ça à tes parents. Et moi, je lui dis, non, mais tes parents et mes parents ne sont pas pareils. Donc, si je dis ça à mes parents, je risque d'être chassée, je sais pas. Elle, c'est une Française? Non, c'est une Antillaise. Une Antillaise? Oui. De père et de mère? Oui. Et elle veut que tu puisses dire aussi à tes parents que tu es bisexuel? Voilà. Que tu considères ton état comme bisexuel? Oui. Maintenant, est-ce que toi, tu es bisexuel? Non. Donc, moi, je me considérais pas. En fait, ce que je comprenais pas, moi, c'est que je n'ai jamais vraiment. Comment dire? J'ai jamais été attirée par une fille. C'est toujours les garçons. Sinon, non. Voilà. Ça m'a. En fait, ça a été toujours comme ça. Hein. Ça m'a pas traversé l'esprit un jour de me dire, ah tiens, je veux me mettre en couple avec une fille. Non. Jamais. Toujours, j'ai toujours voulu plaire aux garçons, c'est toujours été comme ça. Et là, à l'instant où on parle, tu as quel âge? Là, j'ai 19 ans. 19 ans. Oui. Et là, tu as d'accord les garçons? Un seul. Ça ne t'a pas permis, depuis l'âge de la puberté, ça ne t'a pas passé à l'esprit de te garder saine pour ton mari, jusqu'à que tu sois vierge jusqu'à ton mariage? Si, justement, ça, si. J'avais pensé à. En fait. Bon. Est-ce que je peux revenir sur le moment où j'ai voulu me convertir? Parce que je voudrais dire quelque chose. Oui, vas-y, important. Vas-y. Oui. Quand j'ai fait cette prière-là de demander à Dieu quelle est sa volonté, je crois même le jour même ou le lendemain, oui. Je suis tombée sur une vidéo sur YouTube que tu as mis même sur la chaîne. C'était une vidéo où c'était une dame qui parlait des hadiths. Je sais pas si tu te souviens. Qui parlait de la religion musulmane et des livres que les musulmans cachaient en fait, qui voulaient pas, ils parlaient pas de ça. Que les musulmans doivent connaître. C'est que les musulmans voilà, doivent c'est connaître. Ça. Oui. Je suis tombée sur cette vidéo là, sur tout ce qui était, on va dire, un peu caché par la religion musulmane et ça m'avait fait très peur. Ça m'avait fait tellement peur que l'idée même de me convertir, même ça, c'était parti. En fait, ça m'avait passé comme ça, c'était parti. Donc, si tu as dit que tu étais dans un carrefour où tu ne savais plus s'il faut se confier à la Bible ou bien tu voulais te convertir à l'islam. Voilà. Et là, tu fais la prière à Dieu pour savoir si la voie que tu veux, le chemin que tu veux prendre de l'islam, est-ce que c'est le bon chemin. Voilà. Oui. Et là, tu as vu la face cachée de tout ce qu'on cache aux musulmans. Voilà. Tu as refusé maintenant d'entrer avec les locaux. Voilà, ça m'a fait très peur. J'ai fait non, non, non. Au fond de moi-même, au fond de mon cœur, je ne voulais plus en fait. Oui. J'avais même arrêté de parler de ça avec mes amis. Oui. Mais un jour, c'est une amie est venue me voir parce qu'elle savait que j'avais déjà dit que je voulais me convertir. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, elle avait parlé au bon garçon que j'ai rencontré après. Elle lui avait parlé parce que lui, comment dire, il avait lu plusieurs fois la Bible et tout. Elle m'a dit, je lui avais parlé du fait que voilà, tu voulais tout convertir. Elle n'avait pas cité mon nom, elle a juste dit comme ça. Et lui, il lui a dit que si je, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas, si je me convertis, ça sera un aller sans retour. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que je me convertis, c'est fini. Je ne peux plus faire marche arrière. Mais bon, là, ce qui m'étonne, c'est qu'elle me dise ça parce qu'elle-même, elle n'est pas. Bon. C'est une fille qui, on va dire, qui était comme moi en fait, qui croyait vraiment sans qui croyait comme ça quoi, qui avait Dieu mais bon, elle ne pratiquait pas donc bon, voilà. Et c'est après que j'ai rencontré le garçon en question. Oui. Oui. Donc ça a 17 ans voilà que oui. je l'ai rencontré au début. Est-ce que tu peux dire donc ta prière que tu as faite là pour poser la question à Dieu, est-ce que si c'est la voie que tu veux choisir qui est la bonne, la voie de l'islam? Oui. Et puis est-ce que tu peux considérer cela, ce qui t'a présenté là, comme étant une réponse? Oui, c'est bien plus tard que je me suis rendu compte que c'était une réponse parce que en fait ça ne pouvait pas être une coïncidence. Oui. Parce que c'était vraiment C'était même pas des mois après, des années, non. C'était soit, bon, je me rappelle plus, mais je sais que c'était soit le soir même ou le lendemain. Parce que j'avais prié, c'était le matin. C'était soit le soir même ou le lendemain. Donc j'ai une réponse très vite. Et c'était, bon, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a vraiment laissé sans voix en fait. Je me suis, non, au fond de mon cœur, je me suis dit non. Je n'aime pas faire ça. Et puis, j'avais aussi essayé de, comment dire, de consulter en fait ma famille sans vraiment le faire. C'est-à-dire que un jour comme ça, je suis allée voir, c'était une amie qui m'avait conseillé de faire ça. Je suis allée voir ma tante et ma mère. Je dis, si comme ça, quelqu'un de la famille se convertissait, qu'est-ce que ça En vous ferait? islam, n'est-ce pas? Comment? Tu parles de convertir en islam. Oui. Oui. Oui, en fait, j'avais essayé de parler de ça à ma famille sans vraiment leur dire que ce que moi je voulais faire. Et bon, déjà, la Question réponse a été. de les préparer psychologiquement et de tester le terrain. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais bon, la réponse a été très négative. Ils m'ont dit que cette religion-là, c'était vraiment une religion qu'il fallait même pas. Ils étaient vraiment très, très catégoriques sur ça, voilà. Et Que. qu'est-ce que ça t'a fait? Bon, ça m'avait fait mal parce que je me suis dit, ah si je franchis le pas et que je me convertis, je sais que j'aurais vraiment des problèmes avec ma famille. Donc ça déjà c'était, comment dire, un point négatif. Et le deuxième point c'était, bon, la réponse que j'ai eue par la suite, là, qui m'a vraiment... C'est ça vraiment qui a déterminé que je voulais même plus me convertir. Ok, Oui. donc tu as eu deux points donc, qui sont venus concorder à moi en disant que qui a permis de refuser la conversion en islam. Maintenant, Voilà. avec le recul maintenant, est-ce que tu regrettes de ne t'être pas converti en islam? Non. Et ce donc que les musulmans racontent qu'ils sont convertis, que ce sont les chrétiens qui sont convertis en islam en France, plusieurs Français se convertissent en islam, qu'est-ce que tu penses au juste et la cause? Parce que Moi, tu as dit tout à l'heure dans ton cas que tu étais vite chercher les parts de l'aide autour de toi. Tu as vu que Oui. la solution c'était l'islam. Parce qu'en fait, l'aspect religieux qui présente, le comportement qu'il présente est séducteur, n'est-ce pas? Voilà, en fait, je pense que c'est l'aspect extérieur qui est très séducteur. Mais ce qui se passe vraiment, en fait, vu qu'on ne connaît pas trop ça, en fait, ce qu'on nous présente, c'est que les gens, quand ils parlent de l'islam, les musulmans, ils veulent nous séduire. Donc, ils nous disent que c'est très... Bon, ils ne vont pas dire que c'est une mauvaise religion, bien sûr. Donc, ils vont dire que c'est une bonne religion, que ça leur apporte la paix. Donc, c'est surtout, en fait, l'environnement qui fait ça, en fait. Mais moi, vraiment, je remercie Dieu, heureusement que je n'ai pas fait ça, parce que je pense que j'aurais regretté. Voilà. Et dans la vidéo, on a lapidé, comment on coupe les bras et au-delà, tu as dit, ah ça, je vais pas y aller. Voilà, je me suis dit, non, non, ça, vraiment, c'était une religion comme ça. Non, je ne veux pas, je ne veux même pas avoir peur comme ça, non. Donc, je me suis dit, non, non. Ça m'a fait très peur même. J'y ai pensé encore pendant plusieurs jours. Je me suis dit non, je ne veux pas vraiment une religion où on fait des choses comme ça. C'est non. Et là maintenant, à 17 ans, tu vas connaître ton copain, tu vas tomber fou amoureux au point où vous allez savoir maintenant que c'est pas la volonté de Dieu que vous vivez comme ça. Vous ne pourrez pas vous séparer, mais vous avez décidé de vous séparer, de plaire à Dieu. Mais la chair vous tire à gauche et à droite. Allons-y, parlons-en. Voilà. Bah, quand on s'est rencontrés, c'était un peu par l'intermédiaire d'une amie. J'étais venue à l'internat parce que bon, j'avais des difficultés au niveau scolaire, donc j'étais allée à l'internat. Et voilà. Et bon, quand on s'est rencontrés, bon, au début on s'aimait pas trop, mais après on a commencé à parler ensemble. C'est aussi quelqu'un qui a lu la Bible, donc il sait, il connaît un peu, enfin, connaît quand même la Bible. Et on parlait de ça avec lui Vous parce étiez à que l'internat vraiment. ensemble. Vous étiez à l'internat ensemble. Oui. Oui. Allons-y. Voilà. Donc, bon, on a commencé à sympathiser. Hein. Et puis, on est arrivé à un moment où on a vu qu'on était attirés l'un par l'autre. On s'aimait bien. Donc, voilà. On s'est dit, bon, pourquoi pas entamer une relation. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, Il m'a expliqué que lui, il n'était pas dans une phase, comment dire, il était un peu, c'est quelqu'un qui avait passé un an en s'abstinant, sans rien faire. Oui. Donc il arrivait là, si on se met en coup de bas, il ne pourra pas se retenir. Donc il m'a dit, bon, il m'a posé un ultimatum, soit on continue. Soit ça s'arrête là si je veux vraiment me préserver, voilà. Parce qu'il voulait pas, que à cause de lui que je regrette ou des choses comme ça. Donc il voulait vraiment, parce que là lui j'avais bissé que ce n'est pas bien de, surtout qu'à ce moment-là j'étais vierge, donc que ce n'était pas bien de le faire sans, avant le mariage. Donc il m'a dit soit on continue, mais bon, tu sais ce qui va se passer après, ou soit ça s'arrête là. Voilà. Et quelle était ta réponse? Bon, moi, je m'étais déjà attachée en fait à lui. Donc, même pour lui, c'était difficile, mais il m'a quand même demandé parce qu'il voulait être sûr qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Bon, j'étais très attachée à lui, du coup, bon, je pense que c'est par amour aussi que j'ai dit, bon, on continue, même si, voilà. Pas grave, on continue. Et là, petit à petit, tu as commencé donc à t'attacher à lui et par conséquent à la Bible aussi. Oui, voilà, c'est pas, c'est grâce à lui, hein, que j'ai commencé, parce qu'il me parlait beaucoup de ça. On parlait souvent de ça au téléphone. Il me parlait, il a commencé à me parler de Dieu, de la Bible et tout. Il m'a parlé de l'enlèvement. En fait, il m'a parlé des choses dont personne ne m'avait parlé de ça, même pas ma famille, même pas ma mère, personne. C'était vraiment la première personne à m'avoir parlé de ça. Donc ça a commencé à m'intéresser petit à petit, ça m'intéressait, ça m'intéressait. Et bon, ça me faisait aussi peur. Je me dis, attends, mais là, j'ai commis quand même beaucoup de péchés. Je repensais à ce que j'avais fait dans le passé. Je me disais, non, avec tout ça, est-ce que Dieu vraiment va me pardonner? Est-ce que vraiment, le jour de l'enlèvement, je vais être enlevée? J'avais peur, mais j'étais intéressée quand même. Voilà, j'avais commencé vraiment à avoir peur. Et bon, j'avais vraiment peur. Hein. Je me souciais beaucoup de ça. Je me souciais aussi de ma famille. Je me disais, est-ce que de ma famille, on va tous être enlevés? Bon, voilà. Je me souciais de ça. Je sais que pendant les vacances, on a voulu vraiment arrêter ça. Vraiment, on s'est dit, non, on arrête, on va essayer de se repentir, tout ça. Donc, pendant les vacances, c'est lui qui m'a montré aussi la chaîne YouTube. Je suivais les vidéos, je priais, j'avais commencé aussi à lire la Bible. Oui, bon, des fois je refermais parce que je comprenais pas en fait. Je lisais ça comme si c'était un livre, mais je savais pas qu'il fallait lire ça vraiment, être concentré. Donc, je comprenais pas trop, donc je refermais. Mais je priais beaucoup, j'étais. Bon. Je remarquais quand même un changement. Que je commençais à être dans la joie. C'était bien. Même au niveau de la façon de m'habiller, je voulais changer. Parce que avant, je mettais que des pantalons. Mais Pantalons, pantalons. qu'est-ce qui a commencé à causer ces changements en toi? Bah, en fait, c'est le fait qu'il a commencé à me parler de la Bible, de Dieu, qui a provoqué cela. J'ai commencé à m'intéresser à ça et ça a provoqué cela. Donc, en gros, vous étiez un peu dans la fornication, un peu dans la Bible, un peu dans la culpabilité, un peu dans l'amour, un peu dans le désir de l'abstinence, tout ça mélangé. Oui. Et là, vous prenez un peu de partout, un peu dans les enseignements de YouTube, un Ouais, peu c'est dans la Bible de ça. temps en temps, un peu, oh ma chérie, je t'aime, je t'aime. Ah, attendez. Occupée. Ton truc de raisin. Non, C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Lola, je suis occupée, là, je suis au téléphone. Oui, je vais te donner tout à l'heure, je suis occupée. Oui, ferme la porte. Merci. Oui, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est ton jour. C'est ton jour. Donc, vous Oui. pipez un peu de partout dans l'enseignement, dans la Bible, souvent, chérie, je t'aime, un peu de la fornication, un peu qu'on s'abstient, un peu. Voilà, c'était ça un peu. Et en plus, bon, il voulait aussi m'épouser. Donc, du coup, il s'est dit que si on était encore dans ça, Bon, ça allait pas être bon en fait, ça allait pas être bien de. Voilà. À l'heure, nous parlons donc, quelle est donc votre situation? On va dire qu'on n'a pas coupé tous les liens, mais on est resté, comment dire, amis. Voilà. On est resté amis. D'ailleurs, là, il est parti, il n'est plus en France, il est parti en Pologne pour ses études aujourd'hui même. Donc, on est resté en contact et voilà. Mais est-ce que tu l'aimes toujours? Vous vous aimez? Oui. Tu l'aimes très fort. Ouais. Donc ça veut dire que ce qui vous attend, qu'est-ce qui vous empêche de vous marier alors? Bon, on est jeune. Moi j'ai 19 ans, lui il a 19, il va avoir 20 ans. Donc, et puis on n'a pas vraiment de situation. Moi je fais, on est tous les deux dans nos études. On n'a pas de maison, on n'a rien. Donc bon, on s'est dit. Vous avez Bon tellement voilà, des après on. Comment? vous avez tellement des amours à donner, mais vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de situation. Voilà, c'est ça. Donc vous avez opté à ce que vous finissiez d'abord vos études alors. Ouais, qu'on reste tellement amis, et puis si Dieu le veut, peut-être que plus tard on va se marier, je sais pas. Et là, ça n'a pas choqué. Cette position-là ne t'a pas choqué, n'est-ce pas? Comment? Cette position-là que vous avez prise ne t'a pas choqué? Bon, ça a été dur à accepter parce que bon, quand on aime quelqu'un, on veut forcément être avec la personne. Mais bon, après je me dis que c'est peut-être la volonté de Dieu qui, peut-être Dieu veut qu'on reste comme ça. Oui. Bon, voilà. Et cette situation-là, parlons maintenant de ta situation. Maintenant, tu es majeur là. Est-ce que tu as déjà Oui. partagé tout ceci avec ta mère, ta situation que tu vis à l'intérieur de toi? Tu as déjà partagé ça avec elle? Non. Pourquoi? Vous n'avez pas d'intimité, vous n'avez pas de communion en tant que mère et fille. Bon, ma mère, bon, elle travaille. Bon, quand elle revient, elle est vraiment fatiguée. Donc, on n'a pas. Bon, on parle, hein, mais on parle pas vraiment de ces choses-là. Voilà. Ma chère sœur, Oui. comment tu te sens? On a parlé jusqu'à maintenant, je crois une heure, plus d'une heure. Comment tu te sens? Bon. Là, maintenant, je me sens un peu mieux. Bon, j'ai plus cette. Comment dire? Ce fardeau, en fait, cette sensation de. Comme si je portais quelque chose de très lourd sur moi. Donc, ça va mieux. Bon, maintenant, Oui. je te pose quelques questions maintenant. Maintenant que tu en as parlé, ce fardeau qui est ôté, avec le recul, tu Oui. regardes ta vie derrière. Tu sais que Oui. c'est une sale vie, n'est-ce pas? Oui. Sache que comme tu considères ta vie comme sale comme ça, il y a d'autres personnes que lorsque tu vas écouter leur vie, ça sera encore pire que cela. C'est pour ça que chacun de nous a besoin de repentance. D'accord? Tu n'es pas sale dans ces cas-là. C'est parce que tout simplement parce que les gens ne sont pas bien orientés. Et autour de vous en Europe particulièrement, l'humanisme et le Dieu ont appris la place de telle enseigne qu'on ne voit pas Dieu à l'œuvre dans nos vies. Et par conséquent, quand on a la grâce comme toi d'être conduit par Dieu vers lui, il faut qu'on remercie Dieu véritablement pour cela. D'accord? D'accord. Maintenant, ça c'est un. De deux, depuis donc, comme tu as commencé à opter maintenant du côté de la Bible, est-ce que tu es sûr que tu as choisi le bon chemin? Oui, je suis sûre parce que je pense que quand je regarde en arrière, je vois que vraiment Dieu a voulu que je me mette à le rechercher parce que le seul garçon que j'ai connu, c'est lui-même qui m'a parlé de Dieu. Donc je me suis dit non, c'est pas une coïncidence que vraiment ça c'est. Et en plus de cela, pendant très longtemps, quand je t'ai dit je voulais plaire aux garçons, mais je n'ai pas vraiment rencontré de gens. Bon, quand j'ai rencontré des garçons, c'était seulement, c'était vraiment que du flirt. Et après c'était tout, ça s'arrêtait là, c'est pas aller plus loin. Voilà, c'est tout. Donc je me dis que non. Après tout ça, que ce n'est pas. On ne pourra pas me dire que non, c'était une coïncidence, que non. Moi, je n'y crois pas. Je pense vraiment que c'était la volonté de Dieu. Et voilà. Je sais que si vraiment je suis délivrée de tout ça, que ce qui m'attend vraiment, ce sera vraiment autre chose. Ce sera plus la tristesse. Voilà. Maintenant, quand tu suis les enseignements sur la chaîne Baba Iba et tu lis la Bible, Oui. est-ce que la Bible a un sens maintenant? Oui, en fait, je me suis rendu compte que là, je suis régulièrement les vidéos. Et même quand il n'y a pas de vidéos, bah, j'entends encore les vidéos. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je suivais les enseignements, vraiment, c'est ça qui me permettait aussi de tenir bon. Parce qu'il y a des moments où, bon, je me dis, ah, je suis vraiment pas bien. Je me dis, mais pourquoi je ne suis pas délivrée? Est-ce que ça sert à quelque chose que je fais là? Et puis quand je suis les enseignements vraiment, et que aussi je lis la Bible, là, ça me permet de tenir bon. Et c'est très important. Bon, mais lorsqu'on ne poste pas les vidéos, les nouvelles vidéos, il faut savoir qu'il y a au moins 500 vidéos sur la chaîne YouTube Bamba Eba. Donc, il Oui. faut aller vers les anciennes vidéos pour écouter les anciens enseignements doucement, doucement, d'accord? Oui. Et surtout, ne quitte pas la lecture de la Bible. Aucun enseignement ne doit respecter, ne doit quoi, remplacer ta lecture biblique, d'accord? Lorsque le Saint-Esprit commence à te conduire déjà dans la compréhension de la Bible, fais-lui confiance. Quand tu vas lire la Bible, même un passage biblique, même si tu n'as pas compris, pose-lui la question dans la prière. Il va te répondre, d'accord? D'accord. Fais-lui confiance parce que le chemin que tu as choisi est le vrai et l'unique. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord. Maintenant, jusqu'ici maintenant, avec le recul, tu vois que Dieu a été avec toi même dans le péché, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu peux lui dire donc? Bon, vraiment, je remercie le Seigneur pour ça, hein, parce que c'est ce qui m'a permis. Parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de vivre, ce n'est pas bien. Mais moi, c'est ce qui m'a permis, hein, même si bon, j'ai dû passer par là pour me rendre compte qu'en fait, tout ce que j'ai vécu, ce n'était pas normal, que ce n'était pas bien. Donc, il fallait vraiment une repentance et que je sois délivrée. Voilà, c'est ça. Déjà, je vais te mettre à la. Comme tu es en France, je vais te mettre en contact avec la bien-aimée sœur Esther. C'est une sœur bien-aimée qui aime beaucoup le Seigneur, en qui j'ai beaucoup confiance. Elle va te suivre au téléphone. Vous allez causer ensemble, d'accord? D'accord. Quand tu vas la contacter, tu me salues ses enfants, Jimmy Junior, David et son mari Jimmy également, d'accord? D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu peux dire donc maintenant? Merci. Il y a des sœurs qui nous écoutent maintenant, des jeunes sœurs qui nous écoutent maintenant, qui ont pratiqué l'avortement. Mais quand elles sont en Christ maintenant, elles cachent toutes ces choses-là, mais elles sont coupes, elles se culpabilisent chaque jour. D'autres qui sont encore même lesbiennes et qui sont dans ces cas-là, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Bon, moi, je les conseille vraiment d'en parler. C'est très important parce que quand on n'en parle pas, c'est ça même je pense que c'est l'ennemi qui fait ça aussi, de nous rendre coupables, de nous sentir mal. Quand on n'en parle pas, ça va empirer. On va garder ça, garder ça, garder ça, et puis on va arriver au point même où c'est, comment dire, on va commencer à avoir des idées noires, des pensées, des mauvaises pensées. Donc il faut en parler, même si c'est dur, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur d'être jugé parce que j'avais peur d'être jugé par le garçon en question, mais il ne m'a pas jugé, au contraire. Quand je lui ai parlé de ça, j'avais pleuré parce que ça m'avait fait mal. Et il m'a dit non, que malgré tout ça là, tout ce qui s'est passé dans ma vie, bah c'est pas ça qui l'empêche de m'aimer. Donc je n'ai pas à me sentir comme ça parce que malgré ça, ça n'a rien changé par rapport à ses sentiments. Donc voilà, donc il faut pas avoir peur, il faut s'orienter vers les gens vraiment qui. Pas vers n'importe qui, parce qu'il y a des gens aussi qui vont faire empirer notre situation, mais vraiment des personnes à qui on peut faire confiance, des personnes qui peuvent nous aider. Voilà, c'est très important, parce que sinon après, c'est vraiment, ça nous empêche de vivre correctement. Voilà. Est-ce que tu regrettes les actes posés par ton papa? Ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on n'ait pas eu une relation, comment dire, de père à fille normale. C'est que, comment dire, il y a eu une grande partie de ma vie où je l'ai détesté. Je l'ai détesté parce qu'il a. Il n'a pas été Parce fidèle, ça veut dire. qu'il. Oui, il n'a pas été fidèle, voilà. Il a connu des relations. Alors que ma mère était encore au RDC, j'en ai voulu parce que je sais pas trop, mais bon, je voudrais pas rentrer en détail, mais parfois il ne s'est pas bien comporté vis-à-vis de ma mère, donc j'en ai voulu par rapport à ça, et j'en ai voulu de ne pas être, de ne pas avoir vraiment été une figure, comment dire, paternelle, parce que j'ai toujours voulu que voilà, qu'on ait une relation normale en fait entre père et fille, qu'on puisse, là on peut pas, on ne parle pas normalement, tout ce qu'on se dit là, des fois il me dit ça va, l'école ça va, bon ça s'arrête là quoi, c'est pas, voilà. Est-ce que tu lui as pardonné donc? Oui, ça m'a pris du temps hein, mais oui, là vraiment je me rends compte que moi aussi j'ai mal agi, parce que souvent je lui manquais de respect, et voilà. Mais sinon, oui. Tout à l'heure, tu as dit que pour t'islamiser, dans la quette de l'islamisation, il était question que tu puisses tâter le terrain au niveau de ta tante pour Oui. essayer de voir leur réaction, comment leur réaction serait. Maintenant, Oui. comme tu as opté maintenant en suivant le Seigneur Jésus-Christ, as-tu fait le même chemin? Non. Enfin, si, un peu. Parce que quand j'ai vraiment commencé à lire la Bible, par exemple, sur le fait qu'il fallait se couvrir la tête, les femmes doivent se couvrir la tête pour quand elles prophétisent ou quand elles prient. Déjà, je commençais à poser des questions à ma mère, parce que quand on allait à l'église où on va souvent, les femmes ne font pas ça. C'est-à-dire que personne, j'ai vu peut-être deux femmes mettre quelque chose sur leur tête. J'ai vu aussi des femmes qui s'habillaient très vulgairement. En allant à l'église, et maintenant ça a commencé à me choquer. J'ai demandé à maman, mais pourquoi même toi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne te couvres pas la tête pour quand on va à l'église? Je sais que quand elle prie à la maison, elle le fait, mais quand on va à l'église, elle ne le fait pas. Et bon, elle m'a dit oui, c'est vrai, mais bon, elle m'a pas vraiment donné d'explication. Elle m'a dit que elle le fait pas, mais il fallait quand même le faire. Il y a aussi, je suivais un enseignement sur la chaîne YouTube par rapport au dîme, à la dîme, parce que dans l'église où on va, les pasteurs demandent la dîme. Ils disent qu'il faut donner la dîme, qu'il faut donner des offrandes, que même si eux, les pasteurs ne nous jugent pas, mais Dieu quand même, voilà, il nous juge. Donc moi aussi, je comprenais pas ça. Je comprenais pas par rapport. Je me dis, mais comment ça, il faut donner des offrandes? Je me dis, mais les offrandes, c'est pas quelque chose que les païens faisaient. Bon, je me posais pas la question de la dîme, les offrandes. Puis j'ai demandé bon, au garçon avec qui j'étais. Bon, j'ai eu une relation. J'ai demandé, quand on était plus ensemble, j'ai demandé, mais par rapport à la dîme, parce que je sais que lui, il a lu la Bible plusieurs fois, que. Je lui ai dit, mais par rapport à la dîme, est-ce qu'on t'a donné la dîme? Après, il m'a dit non. Que la dîme, c'était plus de l'actualité. Donc, là, je dis, mais pourtant, nous, quand je vais à l'église, les pasteurs demandent ça. Je dis, mais pourquoi? C'est bizarre. Après, il dit, je sais pas, bon, il ne comprenait pas lui aussi. Il y a plein de choses comme ça que j'ai remarqué, que je me dis, non, ça ne va pas. C'est bizarre. En plus, quand je sais que, avant, quand j'allais à l'église, en fait, ça m'ennuyait. Je regardais même que, j'espérais que ça se finisse vite. Je regardais l'heure, je disais bon, j'espère que ça va se finir vite, parce que je comprenais pas. Et là où on va, ce que je ne comprends pas, c'est que quand, bon, en fait, le pasteur, il parle du travail, de la famille, qu'il faut amener un album avec les photos des gens de la famille pour prier, pour toute la famille, pour prier si on a des problèmes au travail. C'est un pasteur de Nous, RDC toujours. non, c'est un pasteur qui est en France. Qui est en France. Oui, je demande si c'est un Africain. Ah non, c'est un Portugais, je crois. Ou un Brésilien. Bon, je sais qu'il parle portugais, parce qu'il a un peu l'accent. Voilà. Et non, c'est pas un Africain. Et bon, il met des témoignages. Il met des témoignages. Parce qu'on a l'écran, en fait, dans l'église. Là, l'écran, il met des témoignages de ceux qui sont allés, qui ont commencé à aller dans leur église, c'est ça, et qui ont commencé à avoir une vie prospère. Une vie qui a, leur vie a changé. Il y en a qui étaient, qu'ils ont eu des problèmes dans leur famille. Et dès qu'ils ont commencé à aller à l'église en question, leur vie a changé. Des gens comme ça, ils mettaient des témoignages, des gens, voilà. Donc, vers la fin, c'est là qu'à la fin, ils parlaient d'un verset biblique. Et puis après, voilà, après on priait et voilà. Non mais et toutes les questions que tu poses à ta maman vis-à-vis de la façon de se comporter à l'église, et autres, là, ça ne la pousse pas à te reposer aussi la question. Comment tu fais pour savoir tout cela? Oui, elle m'avait pour le fait de se couvrir la tête, elle m'avait demandé comment j'avais su cela. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que j'avais su cela quand j'étais en cours. Oui. En fait, en cours, on étudie des passages de la Bible et on a étudié ça. Oui. Attends. Et donc, à l'école, tu fais quelle série, quelle filière déjà? À l'école, j'ai fait littéraire. Voilà, la série littéraire. Ouais. C'était en philosophie. Ouais. En philosophie qu'on a pris. En fait, c'était pas vraiment pour étudier la Bible. C'était juste pour comparer par rapport à un sujet qu'on faisait. Hein. Oui, et là, on a pris un Corinthiens 11. Oui, voilà. Et on est tombé sur... C'est ça. Moi-même, j'étais étonnée parce que même le professeur, il savait cela. Attends. Là, ça a été très intéressant. Donc, le professeur de philosophie t'a enseigné que en tant que chrétien, on doit se voiler. Voilà. Mais lui-même, il est athée. Explique-nous comment ça s'est passé. Bon, en fait, on était en cours. Et bon, on a voulu... Bon, on a voulu parler de la religion. Oui. En philosophie, voilà. Et le professeur, il nous avait photocopié un passage de la Bible. Oui. On devait étudier ça. Je me rappelle plus du sujet exactement, mais bon, je me souviens vraiment de ça. Donc, on a étudié, on a lu. Après, on est tombé sur ça. Oui. Le professeur, il y a une fille qui a posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le professeur a dit que, parce qu'elle avait, je crois qu'elle avait un chapeau ou quelque chose sur la tête, elle a dit que, lui, le professeur a dit que, comme elle est, il faut qu'elle mette cette chose-là sur la tête, se couvrir les cheveux, pour prier ou pour prophétiser comme il était dit dans la Bible. Voilà. Et c'est un athée qui dit cela. C'est un athée, oui, c'est un athée. Oui. Quel effet ça a fait sur toi? Ça m'a surprise parce que je ne savais pas en fait. Ça m'a vraiment surprise parce que je ne savais pas. Et moi qui me disais chrétienne, ça m'a vraiment surprise. C'est là que je me suis dit, ah mais c'est bizarre quand même, je ne connais même pas mon propre religion. Voilà. et là maintenant, quelle est l'attitude des camarades lorsqu'on te voit maintenant habillé tel que tu t'habilles là? En fait, à l'école, j'ai pas changé. C'est pas quand j'étais à l'école que j'ai changé. C'était pendant les vacances. Donc là, on n'avait plus l'école. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté. Je voulais plus m'habiller comme je voulais m'habiller avant. Donc, j'ai commencé à mettre des robes. Oui. Voilà, des robes. Et ma mère un jour elle me dit, mais pourquoi en ce moment c'est une tendance, tu mets que des robes. Je lui avais pas dit. Parce que je sais pas, je veux pas dire. Parce que moi aussi je savais pas. Je me disais, j'avais lu le passage, je me souviens plus qui disait que un homme ne doit pas mettre des vêtements de femme et inversement, une femme ne doit pas mettre des vêtements d'homme. Ouais. Mais le problème c'est que je me disais, mais il y a des jeans aussi qui sont des jeans pour femmes et il y a des jeans pour hommes. Ouais. Donc est-ce que. Bon, je ne sais pas. Après, je me suis dit aussi, mais avant qu'il y ait eu le mouvement féministe, oui. Avant, les femmes ne pouvaient pas porter de jeans. Oui. Donc, peut-être, je me suis dit, dans ce cas-là, alors, on ne doit pas mettre de jeans. Oui. Ça, je me suis dit. Bon. Et puis, j'avais aussi suivi une vidéo. C'était un monsieur, bon, je ne connais pas son nom, un monsieur, qui parlait de ça, de l'habit vestimentaire. Et il disait clairement que même s'il y avait cette nuance-là de jean pour femme, jean pour homme, que malgré ça, ce n'est pas l'habit que doivent mettre les femmes. Voilà. Et là, c'est aussi grâce à lui que... Et là, tu as adopté maintenant le look de la sainteté. Voilà. Quel est le regard de tout ça, alors? Le problème, c'est que je n'avais pas les robes appropriées, parce que moi, je ne mettais pas... Je n'aime pas les robes avant. Mais j'avais vraiment pas les robes, je mettais que des jeans. Et les seules robes que j'avais, c'était des robes. Bon, elles étaient pas courtes, mais ça arrivait en dessous du genou. Oui. Donc, c'est bon, ça me posait problème. Je me disais comment je vais faire. Parce que, bon, voilà, c'était des robes plutôt assises. Oui, donc les robes n'étaient pas appropriées, mais je mettais ça parce que j'avais que ça. Oui. J'avais pas le choix. Donc je me disais non, je vais mettre ça, et puis je vais demander à ma mère que quelqu'un puisse donner l'argent pour que j'achète des robes. Ouais. Voilà. Parce que bon, pendant le coup financièrement de ma mère, ouais. Là encore ça va parce que j'ai la bourse, donc je peux acheter les vêtements que je veux, ouais. Mais à ce moment-là non. Ouais. Courage, d'accord. Tu vois que tu es belle dans Merci. Cet habillement-là, n'est-ce pas? Très belle dans cet habillement-là. Oui. Tes camarades de classe ne se moquent pas de toi? Hein? Non. Bah, déjà avant... Bon, j'ai jamais vraiment été une fille qui suivait la mode. Oui. Moi, je voulais... Bon, la façon dont je m'habille, il y a des amis à moi qui se moquaient un peu. Ils disaient, oh, mais toi, tu t'habilles mal et tout. Il faut prendre l'exemple d'un tel qui s'habillait bien. Bon. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui suivait vraiment la mode, en fait. Oui. Non. Je mettais des vêtements qui me plaisaient, que j'aimais bien, mais bon, je ne suivais pas vraiment la mode. Je n'aime pas le maquillage. Donc, me maquiller, tout ça. Je me maquillais très, très rarement. Et même quand je me maquillais, j'oubliais même que j'avais le maquillage et je me tachais. Je touchais mon visage, je me tachais. Bon. Je me suis dit, non, le maquillage, c'est pas fait pour moi, donc je vais arrêter. Et non. Non, bon, non, c'est pas moqué de moi. Voilà. Alors, permets-tu, y a-t-il un dernier mot que tu voudrais dire avant que je n'ai pris pour toi? Non. Bon, peut-être que, je sais pas, hein. Si, par rapport au garçon en question, je sais qu'il a besoin d'aide, hein, de soutien, parce que lui aussi, il a un peu... dans la même situation que moi. Oui. Bon, lui, c'est aussi compliqué parce que lui, il a un problème avec depuis qu'il est petit. Ah ben, dans ces cas, ce n'est qu'une partie remise, puisque tu as dit que c'est lui qui t'a conseillé la chaîne YouTube Bamba Iba. Certainement, Voilà. Certainement, il va écouter ton témoignage. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'il sera fâché de toi d'avoir donné sur ton témoignage? Non, j'en avais parlé. En fait, on parle beaucoup. Je lui avais parlé de ça, je lui ai dit que je voulais le faire. Et je lui ai dit même que j'avais l'impression que c'est ce que je devais faire. Oui. Parce que même après lui avoir parlé de mes passés, oui. Bah, ça m'a soulagée pendant un moment, mais je me sentais encore coupable pendant oui. Encore après. Oui. Donc bon, je me suis dit que c'était sûrement la bonne chose à faire. Oui. Et après avoir écouté le témoignage de la sœur, oui. Je me suis dit que non, il fallait aussi que je fasse, j'en avais besoin, donc voilà. Donc lorsqu'il va écouter alors ton témoignage, la main lui est tendue dessus, il me contacte, on en parlera également, parce que lui, comme tu as dit, lui-même il a besoin d'aide. Oui, c'est pour cela qu'il a la distance qui vous a séparé a quand même permis à ce que vous vous éloignez de ces choses, parce que des proches vous voyez avec vos yeux, vous ne pouvez pas résister, n'est-ce pas? Oui, bah justement, on a arrêté de se voir à cause de ça. Parce que vous avez tenté plusieurs fois, vous êtes retombé là-dedans. Oui, voilà. Alors ça a été toujours comme ça. À chaque fois. Après, on s'est dit non, stop. Le Seigneur, stop, vraiment. Le Seigneur va vous aider jusqu'à vous amener à bon port, d'accord? Merci. Alors tu permets que je prie pour toi, hein? Oui. Mais avant de prier, je vais dire quelque chose. Pas seulement à toi, mais à tous ceux qui passent par ces choses-ci. Le côté sexuel, c'est le côté qu'on cache beaucoup plus dans l'église, et ce qui amène beaucoup de gens à vivre une vie hypocrite. Mais dans Jean au chapitre 8, le Seigneur Jésus-Christ nous a montré, présenté une femme qu'on était venu la lui présenter parce qu'elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. La Bible déclare qu'ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ que cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse a dit de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? Chacun avait déjà le caillou entre les mains, donc prêt à lapider. Donc l'être humain est toujours prêt à condamner, prêt à culpabiliser. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour la repentance de ceux qui sont injustes. Vous voyez, c'est pour ça que chaque personne aura sa part de culpabilité. Chaque personne a sa portion dans la saleté. Chaque personne a sa tâche dans la mondanité. Chacun vient à Jésus-Christ pour être nettoyé de sa mondanité. Pour d'autres, donc, c'est la sexualité. Pour d'autres, c'est le lesbianage. Pour d'autres, c'est l'homosexualité. Pour d'autres, c'est le vol. Pour d'autres, c'est l'ivrognerie. Pour d'autres, c'est le mensonge, l'avortement, le meurtre. Pour d'autres, c'est la sorcellerie. Il y en a plein comme ça. Pour d'autres, sont issus des sectes, mais le Seigneur Jésus-Christ appelle seulement à la repentance. D'accord? Maintenant, quelle est la réponse du Seigneur Jésus-Christ là? Il a dit que parmi vous, celui qui n'a pas commis un seul péché jette la première pierre. Est-ce que quelqu'un a jeté la pierre? C'est pour dire quoi, ma chère soeur? Que comme tu as besoin de repentance, j'ai également eu besoin de repentance. Et tous ceux qui vont nous écouter maintenant ont aussi besoin de repentance. Ceci est publié afin que chacun puisse remettre en cause, se passer en revue, s'examiner pour voir s'il n'y a pas quelque chose de ténèbres en lui. Que le Seigneur te bénisse pour ton courage, d'accord? Merci. Permets-moi de prier pour toi. Tu permets que je prie pour toi? D'accord. Oui. Père, je prie pour ta fille que tu as toujours conduite jusqu'à maintenant. Je prie au Dieu de gloire. La distance n'est pas une barrière pour toi. Par la foi, Seigneur, je lui impose les mains. Père de gloire, et je prie pour elle afin que son témoignage serve non seulement à délivrer sa propre vie, mais la vie de tous ceux qui vont écouter. Je prie, Père de gloire, pour tous ceux qui vivaient dans l'hypocrisie sexuelle, qui ont vécu cette passée-ci et qui se sentent toujours coupables, Père de gloire, de comprendre que le moyen de le faire pour être délivré, c'est de dénoncer les œuvres de ténèbres dans leur vie sans honte. Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour ce que tu vas faire dès maintenant pour sa vie. Merci pour la vie de ce garçon également, qui est son copain. Je prie, Père de gloire, que tu le conduises dans la voie de la vérité, dans la sanctification, parce qu'ils ont pris position pour la vérité et tu les en es éloigné pour les réunir plus tard. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu fais pour eux. Merci pour ta grâce sur la vie de cette femme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te la recommande entre tes mains. Que sa vie soit entre tes mains. Que toi, tu continues à la bénir, à la protéger et à veiller sur son âme. Et par-dessus tout, Père de gloire, conduis-la vers la vérité, dans la vérité, et qu'elle marche et demeure sur ce chemin-là. Que ton nom se soit glorifié dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Merci. Sois béni aussi. Voilà. Oui, enfin. Tu es déchargé, n'est-ce pas? Oui. Donc, comme j'ai dit, je vais te mettre en contact avec la soeur Esther. Je vais t'envoyer son numéro de téléphone sur ton téléphone. Et puis, d'accord. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Oui. Merci. Bonne journée. Merci aussi. Au revoir.